sous l'excitation, un quart d'heure pour que je me calme. Si je fais rien de bien, autant arrêter que me faire couler dans cet océan où c'est plein de requins aux dents acérées. Parler dit aux jeunes soldats qu'on peut perdre la tête. Malédiction, l'homme se bat au lieu de faire la paix. La guerre amène la haine, ça se marraine. La haine amène la guerre et jamais ça ne s'arrête. Trop de savoir gâché depuis le temps c'est triste. Mais puis quand j'écris, des fois faut savoir lâcher prise. Pensée pisse, les phases hibernent dans ma tête, loin de me satisfaire. Et du temps je gratte et c'est long mois d'hiver dans la tête. Passe de MIC qu'on sache que j'ai perdu les clés de la réussite parce que j'ai vidé mon sac. Le regard vide, vide de mon encre. J'ai crié, prié, pris dans les filets de mon ange. Tant de raisons qui font que je suis là, tant que je vide mon sac. Je suis ma bonne étoile, on connaît quoi de tout ça. Triste constat. De ma vie je consacre une partie à la rime. Sans ça je n'aurais pas la dalle, crois-moi je n'ai pas eu d'appétit semblable. 10 ans de rap et plus et je balance un texto pif. Et si je trébuche c'est que ma conscience est tuée au Lexomil. Je parais solide, fallait maudire ce jour d'été où j'ai fumé tous ces joints pour aller dormir. J'avais promis tant d'efforts mais j'ai tout mis dans le désordre. À trop refouler mes belles frères, j'en ai vomi dans mes bottes. Mandat conique. Y'a des gens qui osent courir la légende urbaine. Rien à foutre aujourd'hui, j'ai mon écurie à défendre. Je suis qu'un sudiste indépendant, ma furie elle est dans l'angle. Et ce n'est qu'à l'heure si un jour tu me vois sourire à l'écran. Et pour bien survivre en ces temps, j'ai dû tourner la page sans vraiment oublier que j'ai vu mon grand frère mourir sur mes jambes. Le regard vide, vide de mon encre. J'ai crié, prié, pris dans les filets de mon ange. Petit Obi-Wan, on n'est pas number one car on n'est pas des numéros. Aussi faux que les faux de Jean Tiberi. Bro, j'en rêve la nuit, tu veux ta place de Ribéry, de libéraux. C'est sûr qu'en concert ça fâche quand on t'a coupé le son. Dans le rap je me fais pas de cash, sache que mes coupés le son. Pour mettre en échec faut faire plus que de déplacer le pion. J'ai voulu t'aider mec mais t'as essayé de me casser le fion. Avec mes équipiers bougés armés une dernière fois. J'suis pion sur l'échiquier, c'est que j'ai toute l'armée derrière moi. On t'a 1011, ça sent nos marches qu'attends-tu pour sourire en 2011. Les oiseaux ne se cachent plus pour mourir un sale chien. J'ai plus rien à perdre donc à cela ne tienne. J'suis prêt à mourir pour mes idées comme sur la place Tiananmen. Main dans la merde, pas que tu nous écustalises les tiennes. Poser une bombe pour Genève, Toulouse ou Paris s'éteigne. Le regard vide.